À l'occasion du 5e anniversaire de remise du titre de maréchal de la République populaire démocratique de Corée au dirigeant suprême Kim Jong-un, le corps des attachés militaires en Corée lui a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations. Le doyen Roman Osvaldo Jiménez Ortega, attaché militaire cubain, les a transmises le 14 courant au général d'armée Park Yong-si, ministre des Forces armées populaires.